besoin d'elle. Et après j'ai eu besoin d'air, après j'ai eu besoin d'herbe. Et aujourd'hui j'ai besoin d'aide. T'es le bienvenu dans ma street, là où les petits se cartonnent. Ici c'est pas de sa cartouche, j'dirais plutôt Campton. Remix de code Cancun, défoncer un 4 tonnes. J'entends des clics clics boum et tous les jeunes se dégomment. Dans la rue les frères se goûment et y'a plus rien qui m'étonne. Avec des guns ça se goûme et petit à petit les frères tombent. Ça y est, j'suis de retour, va vibrer les blocs et les frères. Allez sortez vos globes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le nouveau CD arrive, j'me relance dans les affaires. Fini les ambiances tristes, le sang est chaud comme en enfer. C'est le son qui sort de la street comme ceux qui ont pris un enferme. Tu portes tes couilles et tu l'ouvres ou t'es un cave et tu la fermes. Tu vas voler un truc et faire direct si t'enfermes. Pour tu des études, ce morceau c'est pour les petits frères. Car la vie c'est rude mais c'est comme ça, faudra t'y faire. La première interlude c'est quand t'es seul sur la cyber. Toute la journée à traîner, à marcher avec Lucifer. T'as bousillé ta vie, t'étais vaillant et si fier. La partie se termine et là t'es seul dans le cimetière. 34e district après la Hesse, premier virage. Une fois dans l'illicite, la vraie vie n'est plus qu'un mirage. Et le temps passe trop vite, peu à peu s'éloigne du rivage. Garde les deux pieds dans la street et la tête dans les nuages. Le bon thé qui s'évrite pour qu'on soit champis d'allumage. Sur un bon son bien strict, respecter, montrer notre image. Pour chasser par les Heflits, on est tous dans leur sillage. Et je balance un missile en pleine lucarne dans les cages. Je sais ce qu'il y a à faire, tous les quartiers, toutes les tests. Pour tous les potes, les frères qui ont côtoyé la tristesse. On s'éloigne de l'enfer, j'accélère, prends la vitesse. À bord de SLR et de la drogue pour ABS. On peut aller en roadster, j'ai pas besoin de GPS. On roule en road, frère, on est juste à deux pas de la Hesse. T'es bienvenue à Montpel où les bolosses se font tarter. Et toutes les michetonneuses, elles remarquent les jambes écartées. Les racailles traînent en bande et les légendes dans leur quartier. Les gens ne veulent pas taffer et emmerdent le monde entier. Leur parle pas de SMIC, en deux jours ils font la moitié. Chez nous c'est whisky pur, c'est pas de la merde de manzana. Si je pose un refrain, c'est de la peine, c'est artisanat.